Rosine apparaît alors à la fenêtre du premier étage, en compagnie du médecin Bartolo, son vieux tuteur, qui la séquestre, car il compte bien l'épouser. Prétextant avoir laissé tomber de la fenêtre la chanson intitulée « La précaution inutile » que Basile, son maître de chant, est en train de lui apprendre, Rosine, en fait, envoie un petit billet à son soupirant pour l'inviter à se faire connaître. Ce que fait aussitôt le comte par le biais d'une chanson débordante d'amour. Dans cette chanson, il se fait passer pour un simple bachelier, c'est-à-dire un jeune homme apprenti chevalier, appelé Lindor.